M-O, M-O. Ne fais pas de moi ce que je ne suis pas. J'ai fait de la rue, tu ne sais pas. Mais dis-moi, tu crois quoi? Moi, je t'ai déjà dit, un voyou, ça ne change pas. Tu connais mes faits, tu connais mes gestes, connais mes méfaits, connais même le reste, mon beau bien baisse. Tu connais mes défauts, ma crainte des favos, connais aussi que moi, comme au mic, tous ces ennemis d'aise. Ce dont je te parle et te cache. Est-ce que tu connais Bis bizarre et son place? Est-ce que tu connais la pute qui suce quand je compte mon cash? Est-ce que tu connais le sang sur mes vêtements et ses taches? Est-ce que tu connais? Est-ce que tu sais, mais tu me fous le seum? Où est cette époque où tu doutais, mais fermais ta gueule? L'époque où ma vie de bandit te faisait kiffer. Maintenant, ma vie de bandit te fait flipper. Je les dents, et maintenant, tu fais trop style me parlant des risques. Mener les voies et tu pars avant. Quand je rentrais en sueur avec tout ce sang, sache qu'avant dans ton compte le crime, je connaissais avant. Passe-moi les clés, qu'on n'en parle plus, je suis pressé. Le temps c'est de l'argent et en perte me tue. Crois-tu que ma vie était rose? Naturellement j'ai trimé, rimé dans le bloc, puis couler du sang. Crois-tu pouvoir changer un homme né dans la mer, dans la facilité? Impossible comme un rasta sans herbe. Sans moi, c'est comme on sans mes clients, vice versa, toi et moi, c'est pour tout le temps.